إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 dans l'explication des méfaits de la démocratie, mafasid al-intikhabat, et dans le livre Al-Adilla al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-hizbiyya ala al-mujtama'at al-islamiyya du Cheikh Abu Abdussalam Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et donc on est rendu toujours dans le deuxième point des exemples que le chef mentionne, ou des exemples que le chef mentionne parmi les méfaits de la démocratie. Et donc il mentionne le point du fait que ça divise les musulmans, que ça divise les musulmans. Et puis parmi les gens qui appellent maintenant à la démocratie dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, des gens qui prétendent que la démocratie c'est correct, ça fait partie de l'islam ou bien que c'est accepté par l'islam. Il y en a des gens comme ça, de cette catégorie-là, qui sont dans les pays musulmans, et il y en a qui sont dans les pays non musulmans. Il y en a même qui sont, il y en a qui sont musulmans, et il y en a qui sont non musulmans, et qui se font passer pour des islamologues, ou bien qui se font passer pour des musulmans, parce qu'il y en a certains qui sont non arabes, mais il y en a qui sont aussi arabes, comme des arabes chrétiens, qui parlent au nom de l'islam. Parlent de l'islam, des fois même sont invités par des musulmans et par des non-musulmans. Mais l'étonnant, c'est qu'ils soient invités par des musulmans pour donner des conférences au sujet de l'islam et au sujet des musulmans. Invités par des musulmans alors qu'ils sont chrétiens. Chrétiens égyptiens ou chrétiens libanais ou, comme par exemple, Rachad Antonius. Rachad Antonius est un chrétien d'origine égyptienne. Et puis Sami Aoun, en tout cas, lui je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais d'après ce que j'ai compris, il n'est pas musulman aussi, il est chrétien. Mais je peux pas dire avec certitude, parce que j'ai pas vérifié les informations à son sujet. Toutefois, pour Rachad Antonius, j'ai eu pendant longtemps un doute, mais là, ça y est, ça s'est confirmé que c'est un chrétien, effectivement. Puis, dernièrement, je l'ai entendu parler à la radio, et puis il parlait... au sujet de je sais pas quoi, les musulmans, la laïcité, la démocratie, je sais pas quoi. Puis il disait que il y a un courant minoritaire de musulmans qui sont démocrates et libérales et laïques et qui veulent séparer la religion de l'État et tout ça. Et il disait qu'il faut les aider dans ce sens-là, il faut les encourager dans cette direction-là. Et puis, des choses de ce genre. Donc, bien entendu, il critiquait par exemple les distinctions qui existent entre l'homme et la femme dans certaines règles de la charia, et il critiquait par exemple certaines choses qui ont rapport à des distinctions par rapport à la charia, puis contrairement aux droits faits par les êtres humains, tout ça. En tout cas, c'est juste pour dire, parmi les gens qui appellent à la démocratie, on voit que la façon dont ils en parlent, c'est comme si c'est déjà une chose déjà admise, et que c'est déjà un fait accepté, sur lequel il n'y a aucune discussion et aucun doute, la démocratie s'est acceptée dans l'islam selon eux, et il n'y a aucun point, aucune hésitation à affirmer ça de leur part. Et ça c'est une chose étonnante en réalité, de les voir parler de cette chose-là comme si c'était un fait accepté, alors que, comme on l'a expliqué déjà, tout prouve dans l'islam que la démocratie c'est interdit et que c'est kufr et que c'est un fondement qui, ou bien disons que c'est un rejet de la foi ou un rejet des fondements de l'islam que d'accepter la démocratie. Les gens qui appellent ou qui clarifient aux autres musulmans la réalité de la démocratie par rapport à l'islam et qui disent que c'est kufr et qui disent que c'est contraire aux fondements et aux principes de la religion musulmane, eh bien, leur discours aujourd'hui paraît comme un discours radical et comme pour, selon les koufars, extrémistes, hein, et des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que on l'entend pas ce discours-là, et il n'y a pas beaucoup de monde qui le clarifie cette réalité-là. Il y a dans les pays musulmans des savants de l'islam qui le disent et qui le clarifient et qui ont écrit des livres là-dessus, qui ont donné des cours là-dessus, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, et beaucoup d'autres parmi les grands ulama qui ont clarifié que Cheikh Mohamed Aman, il a écrit des livres là-dessus, et beaucoup d'autres qui ont clarifié que ces choses-là, ça ne fait pas partie de la religion musulmane. Toutefois, ces voix-là, disons, sont pas entendues, disons par, si on veut, à grande échelle. On les entend pas, disons, dans les médias ou dans les médias ou dans les à grande échelle, par exemple, dans les moyens de dans les médiums qui sont utilisés par disons la majorité des musulmans aujourd'hui, soit à la télévision, soit à la radio, soit par exemple dans les journaux ou des trucs de ce genre, on n'entend pas souvent les gens qui expriment cette position-là. Et donc, ça paraît tout à fait marginal de la part de ces grands savants-là d'exprimer cette position-là, alors qu'elle est claire, et alors qu'elle est en total accord avec les principes de la religion et de l'islam et des textes du Coran et de la Sunna et de la compréhension des premiers savants de l'islam, hein. Et quand on analyse tout ça, on voit que tout est en complète harmonie, il n'y a pas de contradiction. Tandis que ceux qui prétendent que la démocratie est acceptée dans l'islam, eh bien, quand on regarde leurs discours et quand on regarde leurs arguments, eh bien, on voit qu'ils sont en totale contradiction avec eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à la définition qu'ils donnent de la démocratie, ils sont en contradiction avec la définition telle qu'elle est donnée dans les encyclopédies et dans les livres, dans les études ou dans les écrits des koufars eux-mêmes qui ont inventé ce système de démocratie. Et elle est en contradiction, et leur définition est en contradiction avec les fondements même de l'islam. Parce qu'ils sont obligés de déformer des aspects de l'islam pour faire en sorte que la démocratie soit en accord avec l'islam. Et de déformer certaines réalités de la démocratie pour faire en sorte, soi-disant, pour dire qu'elles sont en accord avec l'islam aussi. Donc, parmi les jeux de ce que ces gens-là prétendent, bon, j'ai trouvé différentes personnes, par exemple, qui ont parlé de ça. Un d'entre eux, c'est bien entendu Youssef Al-Qardawi, dans ses écrits, il défend la démocratie, il a amené des arguments pour essayer de le défendre. Je l'ai réfuté en détail, point par point, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, en me basant bien sûr sur ce que les savants de l'islam ont répondu à ces arguments, hein, et il a été réfuté, ça on va y revenir plus tard, pas aujourd'hui. Parmi ceux qui défendent la démocratie également, en français, j'ai trouvé Tariq Ramadan, bien sûr, hein, défenseur de la démocratie lui aussi, qui utilise à peu près les mêmes arguments que Youssef Al-Qardawi. En arabe, il y a également Zindani, hein, Zindani qui défend ça au Yémen. La plupart des Ikhwan, la plupart des têtes des Ikhwan ont toujours appelé à la démocratie en partant par Hassan avec Hassan al-Banna et tous les autres qui ont été des directeurs ou des chefs de ce groupe. Et parmi les du'at de ce groupe également, ils appellent presque tous à la démocratie. Il y a l'autre qui s'appelle, celui-là. Lala, et, en tout cas celui qui écrit dans le site La Maison Islam, ou bien si je ne me trompe pas c'est La Maison Islam, son site s'appelle Lala en tout cas, son nom de famille. Et puis c'est un gars qui sort d'une école des Diobandiya, Falah Idarain, en Inde, qui a étudié donc dans les écoles des Diobandiya. Hein, les Diobandiya, c'est la même école d'où sont sortis le Jamaat Tabligh et les Talibans, hein, en Afghanistan. Donc c'est la même école. Donc c'est des Maturidiya dans l'Aqidah. Okay, et ils font le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bon, ils ont défense aussi du soufisme, défense de toutes sortes de bid'a aussi également. Malgré qu'ils sont contre le Mawlid al-Nabawi, mais à part ça, ils ont plein d'autres bid'a et des shirk, des idées de shirk et de contradictions avec les fondements de la aqidah islamique. Donc ils ont beaucoup de contradictions avec la religion, mais donc parmi les gens qui ont écrit sur la démocratie, eh ben il y a celui-là, Lala, je pense que son nom c'est... j'ai oublié son nom, de toute façon. Il y a un texte qui s'appelle « Démocratie, l'islam est-il pour ou contre ?» Et dans les arguments qu'il montre, eh ben il y a toujours les mêmes arguments. En fait, quand vous regardez ce qu'il dit, c'est presque toujours la même chose. Mais le mélange, la confusion, des amalgames, des citations de versets, de textes, de hadiths hors contexte, des déformations des faits, soit sur le plan de la démocratie ou sur le plan de l'islam. Donc on va pas non plus parler de ça aujourd'hui en détail, c'est juste pour vous faire savoir ou vous mettre au courant que il y a ces textes-là, il y a ces gens-là qui parlent de ces choses-là. Il y a des groupes comme Présence Musulmane, Astrolabe et d'autres groupes ici au Québec, puis en Europe aussi il y en a d'autres, qui prétendent aussi que ces choses-là, c'est des choses qui sont en accord avec l'islam, la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et toutes ces choses-là, soit disant que c'est en accord avec l'islam ou que c'est accepté par l'islam, et que ça fait partie du shura, et que dans l'islam il y a le pluralisme, hein, il y a encore même l'autre qui s'appelle Lala, dont je vous disais, là, la maison de l'islam, il ramène ce point-là, dont on a parlé la semaine passée, il dit par exemple... Il dit pour ce fait qu'il y a la première catégorie d'éléments qui relève en fait des principes fondamentaux de l'essence même de la démocratie hein, dans l'islam. Il dit il est possible de relever que l'islam partage ces concepts. Donc il prétend que l'islam partage les mêmes concepts et les mêmes principes fondamentaux, ou bien qu'il y a l'essence même de la démocratie soi-disant est présente dans l'islam. Et par exemple, il mentionne en effet le pluralisme d'opinion à l'intérieur des sources est possible, hein, ce qui relève du pluralisme d'interprétation. La liberté religieuse est garantie par le Coran, pas de contraintes en religion. Le dirigeant, donc il y a beaucoup d'exemples qu'il donne. Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est des déformations de la réalité, parce que bien entendu le pluralisme d'opinion, eh bien, il faut expliquer c'est quelles opinions qui sont acceptées et c'est quelle pluralité qui est acceptée. Il faut spécifier parce qu'il y a des limites, bien entendu. C'est pas comparable à ce qui se fait chez les koufars. Pour eux, le pluralisme d'opinion et le pluralisme d'idées et d'interprétations, il n'est pas limité de la même façon que nous et il n'est pas basé sur les mêmes principes que nous. La liberté religieuse garantie par l'islam, ça c'est encore à remettre en question. On sait qu'il n'y a pas une liberté totale religieuse, soi-disant, et que s'il parle d'une religion, d'une liberté religieuse, il faut qu'il spécifie exactement qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que dans l'islam, bien entendu, il y a la peine d'apostasie, hein, et il y a, bien entendu, un musulman n'a pas une liberté absolue de dire ou de penser ou de croire en ce qu'il veut, il doit se limiter à ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma des salafs sur les fondements de l'islam. On ne peut pas amener des choses ou contredire le Coran clair, des versets clairs dans le Coran, ou une sunna qui est authentique et qui est claire, et, ou bien contredire une ijma des salaf de la Ummah sur des points fondamentaux. Donc de là à amener ces choses-là et ces idées-là, et de mentionner le verset « pas de contrainte en religion » par la suite pour justifier ça, c'est une absurdité. Hein. Et donc, il y a plein d'autres exemples de ça, on va réfuter ça petit. Point par point dans les cours qui vont suivre, c'est juste pour vous faire savoir que ces gens-là, ils ramènent ça. Ensuite, il y a l'argument que il y a l'argument que, par exemple, pour soi-disant, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils voient que dans l'islam, il y a des choses différentes. Par exemple, dans l'islam, comme on a expliqué dans le premier cours, les musulmans, on peut pas voter, par exemple, des lois. Dans l'islam, on n'a pas le droit d'accepter des lois qui sont contraires à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rendre halal qui est haram ou de rendre haram qui est halal. Et ça, ces gens-là, ils en sont conscients. Hein. Sauf qu'ils essaient justement de faire une ruse et de dire que ils disent que dans la démocratie, elle a plusieurs interprétations ou plusieurs significations. Donc il dit par exemple, alors l'islam est-il pour ou contre la démocratie? Conclusion, il dit cela dépend de ce qu'on entend par la démocratie. D'accord? Là il prétend par la suite qu'il y a deux significations de la démocratie. Et si tu regardes tous les gens qui ont essayé de défendre la démocratie dans l'islam, ils se sont basés sur cette choubha ou cette choubha, c'est-à-dire cette fausse argument-là, hein, et ce mensonge-là en réalité, que, soi-disant, il y aurait deux définitions de la démocratie. Il dit, si cela veut dire se couper de toute religion et de tout principe issu d'une révélation, considérer que c'est le peuple qui est la source absolue de la loi, alors non, l'islam n'est pas pour cette expression de la démocratie qui est contraire aux enseignements et aux sources musulmanes. En fait, les savants musulmans qui disent que la démocratie est elle-même une forme de religion, ou qui disent que l'islam et démocratie sont deux réalités antonymes, se réfèrent à ce sens du terme démocratie. Ça, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Donc, là-dessus, ils sont d'accord pour dire que si c'est dans le sens que on doit se couper de toute religion ou des principes de la révélation et considérer que le peuple, c'est la base de la loi, ou c'est la source absolue de la souveraineté, on le rejette. C'est pas correct. Donc, c'est comme s'ils sont en train de se contredire, ou de, pas de se contredire, mais ils sont en train de dire quelque chose d'absurde, en fait, et de contradictoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire, si vous voulez dire ça par la démocratie, on n'est pas d'accord. Mais c'est quoi la définition de la démocratie? La définition de la démocratie, c'est ça. C'est de croire que le peuple est la source absolue de la loi, et que c'est la source de la souveraineté. Donc ils sont en train de dire que si tu crois que la démocratie c'est ça, alors on n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, tu n'es pas d'accord avec la démocratie. Tu comprends? Voilà, ils sont en train de dire des absurdités. Après, regardez ce qu'ils disent. Par contre, si on prend le terme démocratie dans le sens du fait que le dirigeant reçoit sa légitimité du peuple par suffrage direct et par le biais d'un collège de grands électeurs, et il dit « Ahlul Hilli wal Aqd » du fait que le gouvernant aussi soit assujetti au droit de l'obligation pour celui qui gouverne de consulter le peuple et ses représentants qualifiés, du pluralisme d'opinion et de l'interdiction de l'arbitraire et de la liberté religieuse, alors il est possible de dire que ces éléments correspondent à leurs principes et aux enseignements de l'islam. Que ces éléments correspondent à leurs principes aux enseignements de l'islam, il est donc possible de les intégrer aux enseignements de l'islam. Regardez ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est encore là, ils sont en train de déformer la réalité et de changer la réalité et de mentir en plus. Parce que premièrement, on a vu qu'ils ont nié le réel sens de la démocratie, du fait que dans la démocratie, les pouvoirs retournent tout au peuple, hein, le législatif, le judiciaire et l'exécutif, les trois sont, disons, la source de ces trois pouvoirs-là, c'est le peuple, et eux, ils disent non, le pouvoir législatif, ça ne vient pas au peuple, hein, et le pouvoir, ces choses-là, donc, il nie la réalité même et la base même de la démocratie, et ils prétendent que c'est une sorte de démocratie alors que c'est faux. Et deuxièmement, ils disent que si c'est dans le sens que c'est l'autre, que dans le sens qu'on choisit le dirigeant, puis qu'on l'élit par suffrage et par vote, hein, et, ou bien par le biais d'un collège de grands électeurs, et il compare ça avec Ashura ou bien Ahlul Hilli wal Aqd, hein, et que le dirigeant, il a des certaines règles à respecter, etc. l'obligation de Shura, le peuple représentant, et pas du pluralisme et toutes ces choses-là. Donc, ils prétendent que ces choses-là sont en accord avec la démocratie, ou que c'est ça qu'ils veulent dire par la démocratie. Alors que ça, là, va voir n'importe quel kafir, n'importe quel démocrate, et va lui dire, c'est ça pour toi la démocratie, que c'est la charia qui est au-dessus, toutes les lois sont tirées par, dans le Coran et dans la Sunna, et que c'est la révélation d'Allah qui va nous diriger, hein. Puis entre nous par contre, on va élire le dirigeant, puis c'est juste ça qui va être la démocratie pour nous. Il n'y en a aucun qui va accepter ça. Il n'y a aucun qui va accepter ça comme si c'était la démocratie. D'accord? Et non seulement ça, c'est que, est-ce que c'est vrai que le dirigeant il reçoit sa légitimité du peuple dans l'islam? C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand il parle de grands électeurs, il parle de, il dit Ahlul Hil Walaq, c'est un collège de grands électeurs. Est-ce que il est, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de parler d'une réalité ou d'un principe islamique en des termes, en utilisant les termes des kuffars pour essayer de faire croire aux musulmans que la réalité islamique est la même que celle des kuffars. Et que le principe est le même que celui des kuffars, dans le sens que un collègue d'électeurs, donc on utilise le terme électeur, et après ça on utilise le terme en parenthèse et en italique pour faire croire qu'il y a un lien entre les deux, alors qu'il n'y a pas de lien. On va y revenir. C'est des gens qui sont, disons, parmi les savants. Et les gens haut qualifiés, puis les gens qui ont une expérience très approfondie dans certains domaines, qui sont capables et aptes à donner du conseil et à donner du conseil et à, disons, diriger ou organiser certaines décisions dans l'État et dans la société en donnant des conseils aux dirigeants, des choses de ce genre. Et, il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer dans les cours qui vont suivre à ce sujet-là. Et ils disent que du fait que les gouvernements aussi soient assujettis aux droits. Bon, ça, Allahu a'lam, qu'est-ce qu'il veut dire par là dans les détails. L'obligation de celui, pour celui qui gouverne de consulter le peuple et ses représentants qualifiés. Là encore, il y a des limites, parce que la consultation, c'est pas dans tout, et c'est pas n'importe quel sujet. Et est-ce que c'est une obligation de consulter le peuple au complet? Là, c'est une généralisation exagéré, ça n'a rien à voir. Et le pluralisme d'opinion, est-ce que c'est n'importe quelle opinion qui est acceptée? Est-ce que c'est n'importe quelle divergence d'opinion qui est acceptée? Hein? Que ce soit en dehors des textes du Coran et de la Sunna et de l'ijma de la Ummah ou non, il faut spécifier là encore, hein? Parce que même dans les divergences d'opinion, il y a des règles à suivre. Lorsqu'on a des divergences, on ne peut pas choisir la position ou l'opinion qui nous plaît. Mais si c'est des opinions qui sont en dehors du Coran et de la Sunna et de l'Ijma, et bien dans ce cas-là, elle n'est même pas considérée, on n'a rien à voir avec cette divergence-là. L'interdiction de l'arbitraire, hurmatul zulm, là il utilise le terme arbitraire pour parler de zulm, et zulm c'est l'injustice, donc ça n'a rien à voir entre l'arbitraire et l'injustice, il mélange les concepts. Et la liberté de religion, il dit la ikraha fi din. Alors qu'on sait très bien que ce verset-là, dans le tafsir d'Ibn Kathir, dans le tafsir al-Tabari, dans le tafsir al-Qurtubi, et dans toutes les explications des mufassirin, la ikraha fi din, ils ont expliqué que c'est de ne pas contraindre quelqu'un qui n'est pas musulman à se convertir à l'islam. Hein, toutefois quelqu'un qui est musulman puis qui fait un acte de shirk, ou qui dit des paroles de kufr, ou qui est zindir, ou qui contredit les choses, ou qui fait quelque chose qui fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne, eh bien c'est bien entendu qu'il n'est pas, il n'a pas une liberté de religion. Hein, même par rapport aux juifs ou aux chrétiens, on sait qu'il y a, il y a des règles par rapport à qu'est-ce qui peut être pratiqué de leur part dans un pays musulman, selon les règles de Ahkam al-Zimma et toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de mensonges dans ce texte-là, il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de déformations de la réalité. Yani, Qardawi, lui, qu'est-ce qu'il fait en plus dans son texte? Il essaie de justifier que dans l'islam, on est contre la, le fait qu'un dirigeant soit injuste, et que si un dirigeant est injuste, il faut le combattre ou il faut le chasser du pouvoir, et qu'il essaie de mentionner des hadiths sur ce sujet-là alors qu'il déforme, hein, le hadith il mentionne juste une partie, puis l'important du hadith qui interdit justement de prendre les armes contre un dirigeant, même lorsqu'il est injuste, il le coupe, hein, et il met de côté tous les hadiths qui nous interdisent justement de prendre les armes ou de se rebeller contre un dirigeant injuste, et qui nous ordonne d'écouter et d'obéir et de faire preuve d'endurance et de patience envers les dirigeants injustes, et de les obéir, excepté s'ils nous ordonnent de faire un péché, etc. Donc tout ça, il essaie de déformer plein de réalités, et on va lire la réfutation de ça, point par point, inshallah, dans les cours à venir. Mais là, je voulais juste vous donner un petit exemple de ces tendances-là chez certains musulmans à essayer de défendre ou supporter la démocratie. Et c'est aussi pour vous faire comprendre que actuellement, comme ils disent dans les médias, les koufars, que les musulmans ils acceptent la démocratie ou bien ils sont en accord avec la démocratie, parce que la plupart des musulmans ils connaissent pas les fondements comme il faut de leur religion et on leur explique pas la réalité de la religion. Pourquoi ? Parce que les médias, comme on a dit tout à l'heure, souvent ils coupent la population de recevoir les informations exactes à propos de leur religion. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que on les coupe de ceux qui sont capables de leur donner les vraies informations et la bonne connaissance de leur religion, on les garde volontairement dans l'ignorance pour mieux pouvoir les contrôler et les égarer par la suite. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. Ceux qui appellent ouvertement à la démocratie, à la laïcité, aux droits de l'homme et à toutes ces choses qui sont en plusieurs points contraires au fondement de l'islam, on leur donne la parole, on leur ouvre les portes, on leur donne les émissions de radio, les émissions de télé, on leur laisse la parole libre. Et qu'est-ce qu'on fait? D'un autre côté, on marginalise, hein, et on radicalise les autres qui contredisent ces gens-là et qui montrent les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, et de l'autre côté, eh ben, on essaie de les rallier, comme par exemple, on essaie de rallier les ulama, les savants de l'islam et les salafis, au terrorisme, et au khawarij, les gens qui sont dans l'exagération et dans l'extrémisme, dans la religion, pour essayer de faire croire aux gens que toute personne qui réfute la démocratie et la laïcité sont dans le même panier avec ceux qui appellent au terrorisme et aux actes de violence et à l'égarement des Khawarij. Donc il y a beaucoup de mensonges de ce genre qui est en train de se produire. Donc étant donné que, comme on a dit, la plupart des musulmans ils connaissent pas bien le tawhid et les fondements de l'islam, c'est sûr que pour eux c'est compliqué de comprendre pourquoi c'est contraire à l'islam, la démocratie et la laïcité des droits de l'homme, mais on essaie, comme on disait la dernière fois, de clarifier ça petit à petit, en donnant les explications et les preuves détaillées. Là, on fait juste montrer les méfaits des élections. Mais je ne sais pas si vous avez suivi qu'est-ce qui s'est passé au Zimbabwe il n'y a pas longtemps. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé juste avec une élection? Combien il y a eu au Kenya, en tout cas, dans plein d'autres pays? Combien de gens sont tués? Il n'y a pas longtemps, en Égypte, il y a eu la même chose, des émeutes et des gens qui meurent, hein, des centaines et des centaines de gens qui meurent à cause de ça. Et jusqu'à maintenant, il y a encore des problèmes. Donc, c'est pour vous dire que les peuples qui sont abrutis, hein, souvent, c'est facile de leur faire croire à la démocratie, parce qu'ils ont pas de, ils ont été abrutis par la télévision, puis par tous les idéologies des koufars. Tandis que les peuples qui sont plus proches des réalités de l'islam, ils vont jamais accepter la démocratie. Ils pourront jamais accepter ça parce que c'est trop contraire à l'islam et eux ils le savent. Tandis que les peuples qui sont trop occidentalisés parmi les peuples musulmans et qui ont été trop près des koufars, hein, qui sont loin de la connaissance des fondements de la religion, mais étant donné qu'ils ont accepté déjà plein d'idées, de mentalités des koufars, pour eux c'est facile de se laisser emporter par ces idées-là, alors que c'est des idées, même chez les koufars, elles sont nouvelles. Hein, tu recules à je sais pas combien d'années, même pas 200 ou 300 ans, elles n'étaient même pas acceptées ces idées-là. C'était vu comme des idées graves, dangereuses même. Peut-être quelqu'un allait perdre sa vie s'il répétait ces idées-là. Parce que ça venait des trucs de grecs antiques qui voulaient ramener ça, alors que c'était des, eux c'était des catholiques. Hein. Et donc, pour les catholiques, même dans les pays chrétiens, comparé à avant, pour eux, la laïcité, ça n'a pas été un avancement, ça a été un recul. Parce que leur Église a perdu son autorité. Hein, malgré que c'est une religion d'égarement, c'est une religion de mensonge, mais ils étaient en contrôle auparavant, là ils n'ont plus de contrôle. Tu vois? Donc pour eux, c'est un recul. Hein, par rapport à la religion aujourd'hui, qui est-ce qui se réjouit de la laïcité? Chez les kuffars, en principe, eh ben, c'est les gens qui sont athées. La liberté, les gens qui veulent pas croire en Dieu, qui veulent suivre leur passion, c'est eux qui veulent la laïcité. C'est pas les gens qui veulent croire en Dieu, qui veulent suivre leur religion, malgré que c'est des religions, comme on a dit, qui sont pas la religion de vérité, mais c'est pour vous dire que même ceux qui sont dans l'égarement, ils sont contre la laïcité s'ils croient vraiment en leur religion. Donc, imaginez pour nous les musulmans, c'est encore pire. Donc, on va continuer là où on était. Le cheikh, il dit, وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه واللفظ لمسلم. Donc le cheikh il continue dans la même lignée hein, qu'on a vu la dernière fois que la division dans l'islam c'est interdit. Et le pluralisme dont ces gens-là prétendent que ces gens-là prétendent faire partie de l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et la liberté d'opinion, soi-disant, absolue, n'a pas rien à voir avec l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, on est limité par les textes, par les règles, par les principes des fondements de l'islam. On ne peut pas sortir de ça, hein, si on est musulman. Et, c'est pas toutes les divergences qui sont acceptées. Hein, il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet-là, et si on a la chance, Inch'Allah, dans l'avenir, on fera un cours sur ce sujet-là, en particulier la divergence entre les savants et la divergence dans l'islam. C'est quoi la position de l'islam là-dessus, la vraie position par rapport à l'exemple, comment les salafs ont compris ce sujet-là, puis comment les savants de la Ummah, parmi les premiers savants de l'islam, l'ont compris et l'ont, disons, appliqué les textes qui ont rapport à ce sujet-là, contrairement aux idées de certains gens d'égarement et de bid'a aujourd'hui, qui essaient de faire croire aux gens que non, liberté d'opinion, toi t'as droit à ton opinion, j'ai droit à mon opinion, je respecte ton opinion, tu respectes mon opinion, hein, pour essayer de se flatter dans le sens du poil, puis de faire en sorte que tout le monde soit satisfait les uns des autres. Et ça c'est bien entendu dans le mensonge et dans l'égarement. Donc ce hadith-là qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et cette narration-là est celle de l'imam Muslim, c'est rapporté selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-moi tant que je vous laisse, c'est-à-dire ne me posez pas trop de questions, hein, parce qu'il y a des gens qui exagéraient des fois dans leurs questions, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, laissez-moi tant que je vous laisse. Parce que qu'est-ce qui a fait périr les peuples avant vous, c'était uniquement le fait qu'ils posaient trop de questions et ils contredisaient leurs prophètes. Alors lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites-en ce que vous êtes capable, et si je vous interdis de faire quelque chose, alors laissez-le. Ok, et donc ça nous montre que de diverger avec le prophète, c'est quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, et de la divergence en elle-même, dans ces choses-là, c'est pas quelque chose d'accepté. وفيهما أيضا من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجعلنا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قلنا نعم قلنا فهل من بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صف لنا. قال هم من بني أو هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل أو أن تعد بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. واللفظ للبخاري. Donc il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et cette narration est celle de l'imam al-Bukhari qui dit que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, il dit j'avais l'habitude, ou les gens avaient l'habitude de demander au messager sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Tandis que moi j'avais l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des choses mauvaises par crainte que ces choses-là m'atteignent. Alors il dit au messager d'Allah, on était dans l'ignorance, dans la jahiliya et dans le mal, et Allah nous est venu avec ce bien, c'est-à-dire avec l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura quelque chose de mal? Il a dit oui, il y aura quelque chose de mal. Il a dit alors, est-ce qu'après ce mal, il y aura un autre bien? Il a dit oui, mais il sera wa fihi dakhan, c'est-à-dire il y aura un peu de brouillard dedans. Il y aura du bien, mais il y aura un peu de brouillard dedans. قلت وما دخله؟ c'est quoi ce brouillard؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. C'est-à-dire il y aura des gens, des dirigeants qui vont pas, disons guider les gens, ou qui vont guider les gens par autre que ma guidance. Il y a des choses d'eux que tu vas accepter et d'autres que tu vas rejeter. C'est-à-dire des bonnes choses et des mauvaises choses de leur part, mais ils vont pas suivre ma guidance comme il faut. Alors Hudhayfa a dit, j'ai dit, est-ce que après ce bien il y aura un mal? Il a dit oui, il y aura un mal après. Des gens qui vont appeler vers les portes de l'enfer. Quiconque leur répond sera jeté dedans. Et j'ai dit au messager d'Allah, décris-les-nous. Décris-nous ceux-là, ces gens-là qui vont appeler aux portes de l'enfer. Il a dit, ce sont des gens de notre peuple, notre peau. Des gens de même origine que nous, de même peuple que nous, c'est-à-dire c'est des Arabes. Et ça fait un lama expliqué, ça peut être aussi des non-Arabes. Et la preuve, il dit, وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. Ils parlent notre langue. C'est-à-dire c'est des Arabes. Mais les ulama, ils ont dit, ça se peut aussi qu'il y en a qui font partie de ces gens-là et qui sont non-Arabes aussi. Toutefois, il y en aura, ce sera des Arabes, et ils seront du même peuple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, donc il ne faut pas s'étonner, si tu vois des Arabes maintenant qui appellent au kufr, au shirk, ou à toutes sortes d'idéologies de bid'a, soit à la démocratie ou à la laïcité, des trucs de ce genre, parce que ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit, des gens qui allaient appeler aux portes de l'enfer, et qui parlent l'arabe, qui sont arabes, des non-arabes, et qui disent aux gens, maintenant il faut changer la charia, il faut amener une relecture des textes, une relecture. Qu'est-ce que ça veut dire une relecture? A'udhu billah. Allez, subhanallah, l'islam c'est l'islam, et le Coran et la sunna, ils ont été compris par les sahaba, de la meilleure façon, et ils ont, cette compréhension-là, elle a été transmise à travers les siècles. Donc pourquoi il n'y a pas eu de relecture avant et qu'aujourd'hui, soi-disant, parce que les koufars ont amené des principes ou des règles, il faudrait faire une relecture aujourd'hui pour leur faire plaisir. A'udhu billah. Donc il n'y a pas de ce genre de relecture dont ils parlent, et ça ne fait pas partie de l'islam. L'empathie des koufars, bien sûr c'est souvent ça, parce que c'est des munafiqines, c'est des hypocrites, et ils essaient d'amener le plus de musulmans avec eux dans l'égarement, et donc en leur parlant de cette façon-là, ils essaient de montrer que non, on n'est pas contre l'islam, mais on est juste contre certaines interprétations de l'islam qui sont en contradiction avec nous, nos intérêts et nos principes, et ce qu'on veut que vous suivez vous. Donc ça veut dire soyez musulmans, mais dans les limites de ce qui nous fait notre affaire à nous. Et accepter l'islam, c'est vrai, rester musulman, mais rester musulman dans ce qui est en accord avec nos principes de démocratie, de la laïcité. Si vous ne voulez pas accepter cet islam, cette version-là de l'islam que nous on vous présente, alors on ne veut rien savoir de vous et on ne veut rien savoir de votre religion. Donc c'est vraiment, en fait, quand tu observes la réalité de ce qu'ils disent et la réalité de la chose à laquelle ils appellent, c'est de la provocation, c'est de l'insolence de leur part d'essayer de se mêler de notre religion, de parler de notre religion et de vouloir nous donner des cours sur l'islam alors que ce ne sont même pas des musulmans. Hein? Et parmi ceux qui ont été influencés, parmi les musulmans, ceux qui ont été influencés ou qui ont accepté leurs idéologies, qui viennent comme des hypocrites parmi les musulmans maintenant pour essayer de nous faire accepter ces idées-là par en dessous, hein, en voulant dire « Ah mais non, c'est correct, l'islam accepte, l'islam c'est le pluralisme et tout. » Ben, ça c'est dangereux, c'est grave, parce que si ces mêmes paroles-là étaient prononcées par des koufars, un juif ou un chrétien, un rabbin ou un prêtre ou un athée, quelqu'un n'allait pas l'accepter de sa part. Mais pour qui il parle, pour qui il se prend, pourquoi il parle de l'islam? Mais quand c'est quelqu'un qui a une barbe, hein, un qamis, et qui parle comme s'il est musulman, ou bien même qui parle, qui porte pas le qamis, ni la barbe, mais qui parle au nom de l'islam, et qui dit qu'Allah, Allah, qu'Allah Rasulullah, et qui dit les hadiths et les versets, hein, les gens ils s'imaginent que ah oui c'est bien, ça veut dire que c'est accepté, mais non c'est pas accepté. Parce qu'on vous fait comprendre que le bien est le mal, puis le mal est le bien, donc vous êtes mélangés et vous croyez que c'est correct ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites. Et surtout pour les convertis, quand ils se convertissent, ils cherchent des réponses à ces questions-là. Mais en français, dans les livres, qu'est-ce que tu trouves dans les librairies des Ikhwan, à part les livres de Tariq Ramadan et de cette catégorie-là de gens qui appellent à l'égarement et à l'ignorance, tu trouves presque rien. Mais maintenant, alhamdoulilah, ils commencent à avoir beaucoup de livres traduit et écrit pour parler salafis et qui explique les paroles des ulama de l'islam. Et donc les gens commencent de plus en plus à comprendre. Et il y a de plus en plus de frères, alhamdoulilah, qui sortent des universités islamiques, qui vont étudier l'ilm, soit au Yémen, soit en Arabie Saoudite, soit ailleurs, aussi qui vont avec les ulama, qui vont chercher l'ilm, et après maintenant ils commencent à enseigner. Ils commencent à faire des cours, ils commencent à donner des drous. Et là les gens commencent de plus en plus à apprendre. Et les kuffars, ils voient que la da'wa salafie, elle est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur et de plus en plus de terrain. Et ils commencent à réaliser là que là, ça y est, ça s'est implanté maintenant. Et ils voient que inshallah, par la permission d'Allah, ils voient que c'est la da'wa qui commence à prendre le dessus. Et donc maintenant, ils commencent à faire beaucoup de propagande contre la da'wa salafie. Ils travaillent fort contre la da'wa salafie pour saler l'image, pour les faire paraître comme des gens dangereux et mauvais, hein, pour saler leur réputation. Mais alhamdoulilah, Allah est derrière eux et au-dessus d'eux, et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il les enveloppe de sa science, et celui qui fait des ruses, Allah, il est le meilleur des comploteurs contre lui, et il va avoir ce qu'il mérite. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. Ils ont fait des complots, et Allah a son complot, et Allah est le meilleur des comploteurs. Et là, le meilleur des stratèges, hein, il va leur faire tomber leur plan contre eux-mêmes et retourner sur leur propre tête, et ils vont même pas s'en apercevoir. Alhamdulillah. Donc, le chef, il dit ensuite, donc, ils sont donc des Arabes, hein. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si moi j'arrive et je vois ces gens-là? Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu restes avec le groupe des musulmans et leur imam. Tu restes avec la jama'a des musulmans et leur imam. Hein. Tu t'accroches à la bonne aqidah, à la vérité, et tu t'accroches à celui parmi les ulama de l'islam qui s'accroche à cette aqidah-là, qui la défend. Hein. Et, قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَعَ وَلَا إِمَامَ. S'il n'y a pas un jama'a et s'il n'y a pas d'imam, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on est dans une époque où tout le monde est perdu, tout le monde est divisé, tout le monde est mélangé, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أن تعد بأصل شجرة. C'est-à-dire, tu dois te séparer, tu es de tous ces groupes, toutes ces cinq, et tu t'accroches à, même si tu mords au tronc d'un arbre, jusqu'à ce que la mort t'arrive, hein, tu restes comme ça. Donc ça veut dire que tu t'accroches à la vérité le plus que tu peux, et tu laisses tomber tous ces groupes et toutes ces divisions, et tu restes sur le haq. الشيخ الذي قال الإمام ابن جرير الطبري وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ولا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Jarir al-Tabari il a dit que dans ce hadith là, ça veut dire que lorsque les gens n'ont pas un imam hein, pour les guider, un représentant, un dirigeant ou quelque chose qui les unit, et que les gens sont tous divisés en parties et en groupes, alors ils ne doivent pas suivre aucun d'entre eux de ces groupes. Yani, ils doivent se séparer de tous ces groupes là s'il est capable. Par crainte de tomber dans le mal à cause de ces gens-là. Le Cheikh Hassan ibn Qasim il dit وهذا حال الانتخابات فإنها تفرز التفرق والاختلاف والخروج عن جماعة المسلمين إلى فرق متعددة وأحزاب متنوعة. Le Cheikh il dit que ça c'est la même situation que dans les élections. Parce que les gens se divisent et ils divergent entre eux et ils sortent de la jama'a des musulmans pour devenir des groupes et des partis divisés hein, qui sont tous différents. Et ça c'est grave. Quand tu vois qu'un peuple était uni, un peuple est uni sur une même aqidah, un même manhaj, hein, et que tout d'un coup on ouvre la porte aux élections et que là tout d'un coup il y a comme 15-20 partis dans un pays, et que chacun de ces partis-là, il se fait la compétition à l'autre, ils appellent à une idée, et des principes différents des autres, hein, là il y a un problème. Il y a des partis non musulmans, non religieux, et il y a des partis religieux en plus. Donc les partis non religieux, les partis communistes, socialistes, laïcs, démocrates, toutes sortes de tendances. Entre eux, là, les koufars, ils ont plein de tendances, même dans les pays non musulmans, le parti vert, le bloc pot, hein, là, ici, là, le bloc pot, ils veulent légaliser la marijuana, tout ça, le parti vert qui pense à l'écologie, puis l'environnement, des trucs comme ça. Après, il y a le parti libéral, le parti communiste, en tout cas, plein d'autres partis. Ils sont tous divisés, mais dans les pays musulmans, il y a ces partis-là aussi, des partis qui appellent clairement au coffre, hein, dans les pays musulmans. Pour eux, ça c'est correct. Et les Ikhwanes, ils disent ça, c'est la liberté. La liberté de religion, la liberté de croyance dans l'islam, c'est permis. Alhamdulillah. Ils ne croient pas à la peine d'apostasie, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils disent ça. Et des partis religieux. Bon, il y a les partis, soi-disant, modérés, libérales, hein, des trucs, des partis à tendance. Ils ont plein de tendances entre eux, là, comme ça, différents noms, différents partis, regardez en Palestine, le Hamas, le Fatah, en Algérie, il y avait le FIS, il y avait le Hamas, en Égypte, partout, au Maroc, l'Adol Ihsan, d'autres groupes encore, tout ça pourquoi? Pour diviser le peuple, pour diviser les musulmans qui sont sur une seule et même religion, qui ont un Coran, la Sunna, hein, et les principes, au lieu de suivre ça, ils se divisent en parties, ils se font la compétition dans les élections, et des trucs de ce genre. Et ils ont tous des bid'a et des innovations divergentes. Hein, ils ont tous un chef auquel ils donnent une allégeance, hein, ou une bay'a, ou quelque chose comme ça, dans certains pays. Et puis, tu as une carte de membre pour faire partie de ton parti, pour avoir le droit de voter pour le représentant de ce parti-là. Puis, à l'intérieur du parti, il y a des élections dans le parti. Hein? Exactement. Ouais. Ça, c'est un bon exemple aussi. Il dit, le frère, ça crée du nationalisme. Parce que dans un même pays, il y aura, par exemple, le parti, comme en Algérie, le parti Kabyle. Nationaliste qui veut l'indépendance ou bien qui veut l'autonomie économique de la Kabylie par exemple. Il y a d'autres partis nationalistes soi-disant arabes ou turcs ou il y a d'autres origines, hein, des gens comme ça au Pakistan et tout ça. et qui divise les musulmans. Ici maintenant, c'est-à-dire, quand tu vois un parti nationaliste là, souvent qu'est-ce qu'ils font pas de distinction entre les kuffars et les non-musulmans, les musulmans et les non-musulmans, dans les partis nationalistes. Ils unissent les gens selon leur appartenance à une nationalité ou une ethnie, sans prendre en considération la foi, la croyance, la pratique, quoi que ce soit de ces choses-là. Et tu vois, par exemple, même juste, sans parler des partis politiques, là, juste les associations étudiantes dans les universités, même ici, par exemple, à Montréal, les universités anglophones en particulier, tu vois, il y a l'association, soi-disant, l'association musulmane, qui est en grande partie des tendances ikhwan et des choses de ce genre. Puis après, il y a les associations de chaque pays, de différentes origines. Donc, il y a l'association des élèves indiens, des élèves iraniens, des élèves pakistanais, des élèves, je sais pas moi encore, palestiniens, des élèves arabes, en tout cas, égyptiens, chaque pays va avoir leur origine, leur association. Et quand ils appellent à ces organisations-là, qui sont nationalistes, ils font pas attention à la religion des gens. Ils veulent dire, on est tous de ce pays-là, il faut s'unir. Hein, en Inde, il y a des hindous, il y a des sikhs, il y a des musulmans, il y a d'autres religions. C'est pas grave. On est tous de l'Inde, on est des frères, il faut s'unir, il faut coopérer, travailler ensemble. Et aller, sans tenir compte de la religion, des trucs de ce genre. Donc ça divise les musulmans, bien sûr, puis ça crée des alliances avec les kuffars, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ce genre de choses-là. Et le cheikh il mentionne un hadith, أخرج أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من نطم الحدود وشق الجيوب ودعوى بدعوى الجاهلية واللفظ للبخاري الإمام البخاري لما سيدنا صحيح حديث يعطي صلى عبد الله بن مسعود que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui se frappe les joues et qui déchire ses vêtements quand il y a quelqu'un qui est mort, ou qui appelle à un appel de la djahiliya, il ne fait pas partie de nous. Ça veut dire quoi, l'appel à l'appel de la djahiliya? Ça veut dire, il appelle les gens à se réunir autour de quelque chose d'autre que sur l'islam. Hein? C'est comme par exemple, si on fait un parti ou un groupe haïtien. On est des musulmans haïtiens, on va faire un groupe haïtien, on va unir tous les haïtiens ensemble, une association haïtienne. Et là, on finit haïtien, voudouisant. Haïtiens chrétiens, protestants, haïtiens baptistes, haïtiens méthodistes, haïtiens je sais pas quoi encore, catholiques, et tout le monde ensemble, puis on dit bon, nous on est, parce qu'on est des haïtiens, on est ensemble, on s'unit, on travaille ensemble, sans faire attention à la religion, puis sans prendre considération de l'islam. Mais là ça veut dire, on a appelé à la da'wa de la djahiliya, parce qu'on a appelé à s'unir sur autre chose que la foi et sur autre chose que l'islam. Hein, mais si on travaille, par exemple, ensemble sur l'islam, pour l'islam, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tant que musulman, on doit s'unir sur les bases de notre religion et s'unir avec tous les musulmans, sans faire de distinction entre tel ou tel musulman de tel ou tel pays. Mais il y a beaucoup de da'wah djahiliya comme ça à notre époque, et il n'y a pas de doute que les partis politiques, ben, ça crée ces divisions-là entre les croyants. Parce qu'il dit, bon, tous ceux qui font partie du parti de Hamas, venez, vous êtes convoqués à une réunion et tout, puis là, oh, nous on va travailler ensemble, on est dans le même parti politique, on est pour les mêmes idées, le même chef et tout, bon, ça divise les musulmans, parce que toi tu es pour ce parti-là, l'autre il est pour l'autre parti, l'autre il est pour l'autre parti, l'autre il est pour l'autre parti, on est tous des musulmans, mais pourtant on est tous divisés parce qu'on a tous un parti différent, puis on est tous un contre l'autre, puis on fait la compétition pour essayer de mettre son parti au pouvoir au déprimant de l'autre. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Il y a d'autres hadiths là-dessus que le cheikh il mentionne, mais sont toujours presque dans le même sens. Le cheikh il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim, il dit « Al-du'a bi da'wa al-jahiliya, kad-du'a ila al-qaba'il, wal-asabiyyatu lil-insan, wa mithluhu » التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية وقوله متسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويذن الناس بكل به فكل هذا من دعوة الجاهلية. Donc l'imam Ibn al-Qayyim nous explique c'est quoi da'wa al-jahiliya. Exactement comme je disais tout à l'heure, mais avec plus de détails. Il dit que la da'wa, quand tu appelles à la jahiliya, c'est quoi? C'est comme si tu appelles à une tribu, ou à un tribalisme, ou un partisanisme, ok, ou à une personne. Tu appelles les gens à suivre quelqu'un, et à se rallier autour de lui, à aimer, à détester pour lui, par rapport à lui, à réunir les gens par rapport à leur madhhab. Ah, toi, de le madhhab de Maliki, ok, toutes les Malikis, on se met ensemble, puis on travaille ensemble parce qu'on est Maliki. Ou bien par rapport à un groupe, qu'on fait partie de tel groupe, ou tel parti, ou bien on suit tel chef, donc on se réunit, ah, vous, vous suivez tel chef, ok, on se réunit ensemble. Ou bien tatwil, hein, tu essaies de donner une préférence à certains par-dessus d'autres, en se basant sur tes passions et sur le partisanisme, pas sur l'islam. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va dire, par exemple, je sais pas moi, ok, ben, tout le monde qui est de telle origine, ou de tel pays, ou de telle ethnie, on se réunit ensemble, puis on travaille ensemble parce qu'on est de telle origine. Tu vois, ça c'est une sorte de da'wa al-jahiliya. C'est ça. C'est ça. C'est comme l'exemple, comme tu dis. Des gens qui disent, bon, ok, on est kabyle, on va s'unir tous pour l'autonomie de la Kabylie, comme tu dis. Mais il y a des kabyles chrétiens, il y a des kabyles athées, il y a des kabyles musulmans, et il y a des kabyles, il y a des kabyles, Allah Moustaïn, ils appellent à ramener les anciennes croyances des kabyles qui sont oubliées, hein, des kabyles avant l'islam. Qui existaient, les vieilles croyances des mouchriquins avant l'islam. Il y en a qui disent maintenant, parmi les kabyles, ah, nous à l'origine on était juifs. Ils oublient que Abraham n'était ni juif ni chrétien. Hein? Alors même si tu dis que tu étais à l'origine juif, ça ne veut rien dire ça. Même Moussa c'était un musulman. Hein? Moïse c'était un musulman. Alors si tu dis que tu étais juif et que tu ne suis pas l'islam, c'est dans l'égarement. Hein? Donc, il y en a d'autres qui vont dire d'autres choses. Maintenant, j'ai remarqué, ils appellent à cette femme qui s'appelait Al-Kahina, tu vois, une soi-disant une ancienne reine dans l'époque, à l'époque où l'islam est rentré en Algérie, soi-disant elle avait fait une résistance aux premiers musulmans, mais bon, elle a été écrasée par la suite. C'était une Kahina, c'était une sorcière. C'était une femme qui était une sorcière. Donc, ils se rattachent à cette femme, soi-disant pour se donner une fierté, il en a, alors que c'est une femme qui a combattu l'islam à son époque, hein, qui était contre l'islam. Alors comment ils vont se donner une fierté en se rattachant autour de ces valeurs-là et de ces idées-là, alors qu'elles sont contraires à la vérité, ça c'est grave. Donc c'est pour ça que d'appeler à ces idées-là, ça c'est pas correct. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ. Donc c'est ça, il y a ce hadith-là, mais on va pas lire ce hadith. Et alors le hadith dit, « Qultu, ta'amal, akhi al-qari' al-karim, ila qawlihi wa tafdilu ba'din ala ba'd fil hawa, tajidu, hada al-kalam yantabiku tamaman ala ma yahdusu bayn afrad al-ahzab, fa inna kulla hizbin yad'u ila hizbihi, yuali fihi wa yu'adi li ajlih. ويزد الناس به ويفضل بعضا على بعض به وهذا ما يحدث في المعركة الانتخابية فظهر من ذلك أن الدعوة إلى الانتخابات من الدعوة إلى الجاهلية والله أعلم. شيخ زي par rapport à qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure de la da'wa al-jahiliya, comme dans la citation de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'il dit que watafdil, hein, de préférer certains au-dessus d'autres. C'est ça ce qui se passe dans ces genres de parties-là. Tu préfères certains individus parmi les musulmans au-dessus d'autres parce qu'ils font partie de ton parti et de ton groupe, hein, ou de ton origine. Donc tu les préfères pas parce qu'ils sont meilleurs dans l'islam, pas parce qu'ils sont des meilleurs musulmans, mais parce qu'ils sont en accord avec ta passion, parce qu'ils suivent la même idéologie que toi dans ton parti, hein, souvent les idéologies contraires à l'islam, ou bien parce qu'ils font partie d'une même origine, ou de la même langue, ou de la même, par exemple, de même groupe, comme par exemple les groupes comme les Hizbiyin, comme les Ikhwan, Tablir, et les groupes de Hizb al-Tahrir et les autres groupes comme ça, eh bien on a, lui, toi tu fais partie de mon groupe, donc t'es mon frère, t'es mon ami, mais les autres musulmans qui sont pas dans mon groupe, qui sont contre moi, dans les idées de mon groupe, ah, ceux-là c'est pas mes frères, je veux rien savoir d'eux, ou bien on est contre eux. Et les partis politiques, c'est la même chose, comme le cheikh Hassan ibn Qasim il dit justement, si tu observes dans cette parole de l'imam ibn Qayyim, quand il parle du fait de préférer certains par-dessus d'autres, en se basant sur les passions, il dit, tu vois que cette parole-là, ça s'applique vraiment bien aux individus qui entrent dans ces groupes-là, et qu'est-ce qui se passe entre eux. Chacun de ces gens-là appelle à son parti, et il s'allie avec eux en se basant sur ce parti-là, et il s'oppose aux gens en se basant sur le parti, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous, on les aime, ceux qui sont contre nous, on les aime pas, hein, et il met les gens, ou bien il juge entre les gens par rapport à leur position vis-à-vis de son groupe, hein, il préfère certains par-dessus d'autres, et il dit que ça c'est exactement ce qui se produit dans les campagnes électorales. Hein, et donc on voit clairement que les élections ça rentre dans la da'wa de la jahiliya. Hein, là c'est ce qui se passe. On a remarqué maintenant que, ça c'est dans certains pays musulmans, on parle de qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, mais on parle aussi de parfois qu'est-ce qui se passe même dans les pays de kufr, comme ici par exemple au Canada ou bien aux États-Unis ou en Europe, que vous voyez que par exemple il y a des partis politiques des kufars qui essaie d'enrôler avec eux des individus qui ont une connotation des pays d'origine musulmans, qui ont des noms arabes, comme on disait tout à l'heure, des gens qui appellent aux portes de l'enfer, hein, ils ont des noms arabes, ils parlent arabe, ils ont la même origine que les arabes, ou bien même ils sont pas nécessairement arabes, mais ils sont d'origine de pays musulmans, et ils ont des noms musulmans. Et donc, ils les enrôlent dans leur parti, puis ils essaient, en enrôlant ces gens-là, ils essaient de gagner plus de votes, hein, de la part des gens de ces communautés-là. Et ça, bien entendu, c'est une forme d'hypocrisie de leur part et de lâcheté. Et le fait que ces gens-là soient souvent des laïcs, des démocrates qui s'opposent au Coran et à la Sunna et qui détestent la charia, eh bien, ces gens-là, bien entendu, même s'ils ont des noms musulmans, arabes, sont des ennemis de l'islam, qui combattent l'islam, la réalité de l'islam. Ils veulent un islam qui est en accord avec les passions des groupes de bid'ah et des passions des groupes des kuffars. Et donc ça, c'est clair que ça amène à l'égarement. Le shaykh, il dit, wa akhraj al-imam muslim min hadith Jubayr ibn Mut'am. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. Donc nous on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui. On continuera ce cours la semaine prochaine bi'iznillah. On a beaucoup de choses à expliquer encore dans ce point là, mais c'est juste aujourd'hui, donc on a dit beaucoup de choses, mais on en gardera pour la semaine prochaine, inshallah. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.